donc l'honneur dans cette boue mêlée d'odeur. Tu croyais en Dieu ou régiment à la patrie, t'as même pas cherché à savoir qui était ton ennemi. Je tue des hommes, ma mère, et ce sont tes enfants, parce qu'ils sont mes frères et non pas tous maintenant. Je suis roux, mon père, je fais des orphelins. Je me la vis, je me la gueule, je fais sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains, sauter des trains. Tu n'as plus qu'une croix dans le grand trou des inconnus. Meilleur des cocus, donc les salariés.